pris d'assaut par le sample. Les pulsions, je les ressens puissantes. Ici on pense comme on pourra, bien sûr y'avait plus simple. Mais tout est compliqué, on contrôle tout sur nous, vas-y donne ton ticket. 18 sincères, des textes bien astiqués, des mots bien mastiqués, comme du chewing gum. La vie un 18 trous, vas-y swing down, dis ce que t'as sur le cœur. Tu veux niquer mon crew, faudra me passer sur le corps. Prépare les pansements ou les sparadraps. Il faut construire carré, j'enchaîne les paragraphes. Maîtriser la situation comme dans un bar à tasse. 18 sincères s'installe, faudra que tu te barres de la place. Car on est bien parti pour y passer de la vie. Dans toutes les têtes, le rap s'attache. Normal, tout le monde en veut. Mais faudra bien que ça passe en bravant les enjeux. La rougeur sur les joues, là on est bien dans le jeu. Le mouvement bien en joue, on fera ce que l'on pourra. On espère que ça plaira, car personne se taira. Si on pense comme on peut, on pousse nos voix, tu vois ça comme on peut. Non pas trop, dans le rap on est nos propres patrons. Et si ça ferme des portes, on les enfonce, bah c'est à nous de sortir. Sans triste sort, sans triste ciel. Je me rappelle ces soirs où on avait cassé le mic à Garou. La tête égarée, avec des stars, on s'est déjà préparé. Maintenant y'a quoi? Rien, je lâche les amarres et prends large. Mais c'est en avant que je marche. Est-ce qu'ils me nourrissent, c'est les rimes que je lâche? Ou les crimes que je clash? Des fois MC que je coche, et puis ensuite je trace. Parce que j'ai pas le temps, pour ceux qui pensent que le rap n'est qu'un passe-temps. Tu crois que mes textes parlent que de baston, de bastos, de condé et de maton. Écoute les textes, histoire que ça dégoûte un peu. Les jeunes ont la haine. Si on pense comme on peut, on pousse nos voix, tu vois ça comme on peut. Non pas trop, dans le rap on est nos propres patrons. Et si ça ferme des portes, on les enfonce, bah c'est à nous de sortir sans un triste sort. Et si on pense comme on peut, on pousse nos voix, tu vois ça comme on peut. Non pas trop, dans le rap on est nos propres patrons. Et si ça ferme des portes, on les enfonce, bah c'est à nous de sortir sans un triste sort. I wreck the mic, clear for your head. I wreck the mic, clear for your head. Dégage et suite secours. Appelle les pompiers pour qu'ils accourent. Y'a panique sur accord, mais lui sans crew, mets le feu dans ta cour. Coup de grisou dans un putain de brasier. Pas là pour bronzer, c'est l'esprit libéré qu'on vit enfermé. Formez l'auditoire en que c'est forme. Faut pas que ça reste forme. Et le temps baigné dans du forme, on lui faire mal. Des rimes enfermiles afin que ça reste fertile. Pour te servir, bonjour monsieur, combien t'en faut-il? Futile, tellement de vocations inutiles. Donc t'étonne pas si y'a tant de jeunes qui finissent dans le deal ou dans le vol. Violence accrue, l'opinion s'affole, mais dans le vide. Envie de planer quand t'as rien dans le beat. Bad boy, fat beat, t'as rien à foutre de Brad Pitt. Envie de rouler des pattes en soulevant Katarina à vite. Tad Pitt, génération dans langue et cœur qui palpite. Avoir sa place à leur festin même sans un vide. Si on pense comme on peut, on pousse nos voix, tu vois ça comme on peut. Non pas trop, dans le rap on est nos propres patrons. Et si ça ferme des portes, on les enfonce, bah c'est à nous de sortir sans un triste sort. Ici on pense comme on peut, on pousse nos voix, tu vois ça comme on peut. Non pas trop, dans le rap on est nos propres patrons. Et si ça ferme des portes, on les enfonce, bah c'est à nous de sortir sans un triste sort. Aujourd'hui c'est pleine lune, l'âme tuée par les censures. Non pas censure, les mains j'insulte moi. J'ai plus qu'une issue, déballe ma grille face à la leur, t'es rien. On m'a jamais demandé mon avis. Tu connais la musique à vie, ça donne ça. Laisse Riviera à vie. Marier le rap, c'est ma maladie, mon univers. Mais je témoin du mal comme Denzel. À tort peut-être, je croyais ton rap universel. Je suis l'étincelle dans le gaz. La goutte qui fait déborder le vase. Comprends, y'a trop de rage, trop de nasse. Pour nous, pas trop de place. On sert d'otage quand l'état braque. C'est nos pattes, la haine par rarement. Ouais, c'était notre arme. Liée à la vie, à la mort, accroché au même décor. Qu'est-ce qu'on t'accorde? Pas plus que l'accord. D'un commun accord, voilà ce que je rapporte. Trop attendu, à nous de montrer l'étendue. Un point de vue de génie, pendu au match de bac détendu. Descendu pour niquer le sang. Façon Jack Sixon, un signe défendu. Ha, ha, au foot d'Awa. Hip hop power pour les bois d'art. C'est tout ce qu'on a, tout ce qu'on veut dans le loup des beats graves. On met les gaz, pendant que c'est légal. Marre de ce qu'on amère. Vas-y, marre de la merde, ça porte chose, il paraît. Tout disparaît, le jour où tu crois que tout va apparaître. C'est pas net, pas si rite. Imagine devant les pères, ta montre son récit tragique. Elle sien, le CEO, le ski, son liste en excès. Y'a qu'à c'est qu'on vise. Mais qu'est-ce que tu disais? On allait rester clan dès l'arrivée à teaser. On pense qu'on pourra, on fera ce qu'on pourra. Le but c'est de tout miser, tu le sais. Si on pense comme on peut, on pousse nos voix, tu vois ça comme on peut. Non pas trop, dans le rap on est nos propres patrons. Et si ça ferme des portes, on les enfonce, bah c'est à nous de sortir sans un triste sort. Et si on pense comme on peut, on pousse nos voix, tu vois ça comme on peut. Non pas trop, dans le rap on est nos propres patrons. Et si ça ferme des portes, on les enfonce, bah c'est à nous de sortir sans un triste sort. Et si on pense comme on peut, on pousse nos voix, tu vois ça comme on peut. Non pas trop, dans le rap on est nos propres patrons. Et si ça ferme des portes, on les enfonce, bah c'est à nous de sortir sans un triste sort. Et si on pense comme on peut, on pousse nos voix, tu vois ça comme on peut. Non pas trop, dans le rap on est nos propres patrons.